Merci de nous rester fidèles. Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici son articulation. Une commission d'élaboration de la constitution qui régira la fédération politique de la communauté est-africaine est à l'œuvre. Trois Burundais font partie de l'équipe, a annoncé la ministre en charge de l'intégration du Burundi dans cette communauté. Les détails, c'est dans ce journal. Et le Burundi a enregistré des progrès dans l'alphabétisation. C'est au moment où ce dimanche 8 septembre, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Et à la veille de la rentrée scolaire, certaines directions provinces de l'enseignement souffrent du manque d'enseignants. Et d'autres, certaines écoles, surtout celles de régime à régime d'internat, n'ont pas encore eu de subsides de la part du gouvernement. Voilà pour les titres. Eli Kadogo est à la cabine technique et Moïse Misagot à la présentation. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les régions naturelles comme Mugamba, Bututsi, Kirimiro, Uragane et Uyenzi connaîtront une probabilité accrue de pluie supérieure à la normale dans cette année agricole 2019, comme le démontre la prévision saisonnière de cette année. Propos du directeur technique et du service météo de l'Institut géographique du Burundi, Ijebu. Ezekiel Kayoya indique également qu'un léger retard de pluie sera observé dans certains coins des régions d'Olimbo, Bugesera et Uyenzi qui vont connaître la pluie au milieu du mois d'octobre. Suivez-le au micro de Richard Nyonghuru. La période d'octobre à décembre, communément appelée Agatasi, constitue une saison de pluie importante sur tout le pays. Il est prévu une probabilité accrue de pluie supérieure à la normale dans les régions de Mugamba, Bututsi, Imbo, Kirimiro, Uragane et Uyenzi. Une probabilité accrue de précipitation proche à la normale est prévue dans les régions de Mosso, Bugesera et Bweru. Prévision du début de la saison de pluie. Le début effectif de la saison pluvieuse commence avec le début de la première décade du mois d'octobre l'an 2019 sur la majeure partie du pays. Un léger retard serait observé dans la plaine d'Olimbo, dans les dépressions d'Ouest et une partie d'Ouest de Uyenzi où le début effectif de la saison est prévu au deuxième décade du mois d'octobre l'an 2019. Fin de la saison. La prévision montre que la fin de la saison à Gatasi est prévue au deuxième décade du mois de décembre dans les régions de Mugamba, Buragane, une partie de Kirimiro et Uyenzi. Une saison sera prolongée dans les régions de Mosso, Bugesera et Bweru. Une pluviométrie supérieure à la normale climatologique est attendue dans les régions de Mugamba, Bututsi, Imbo, Kirimiro, Uragane et Uyenzi. Une pluviométrie proche à la normale climatologique est prévue dans les régions Bugesera, Bweru et Mosso. Les prévisions montrent aussi que la température au cours de cette saison sera normale sur presque tout le pays. Et les propriétaires des bistrots des produits Braroudi de la commune et Mabaye affirment qu'ils enregistrent des pertes. C'est au moment où ils affirment qu'ils achètent ces produits au prix élevé et que lorsqu'ils revoient des prix à la hausse et au détail, ils sont pénalisés par l'administration. L'administrateur de la commune Mabaye indique que ces détaillants sont complices puisqu'ils ne dénoncent pas les grossistes qui spéculent. Au sein de la Braroudi, on indique que cette société n'a pas revu à la hausse des prix, que ce sont des spéculations. Les détails avec Alexis Ndairagidje. Ces propriétaires bistrots de la commune Mabaye indiquent qu'ils ont monté des prix sur les produits Grand Mousset, Lamousset Royal. Ils affirment qu'ils se bloquaient de ces produits à des prix élevés dans les dépôts Braroudi. Que c'est pour cela, ils ont préféré monter ces prix pour ne pas vendre à risque. Mais ils n'ont nié pas qu'au niveau de l'administration, on leur fait payer une amende allant de 30 à 50 000 flambeaux lorsqu'ils montent des prix. Ils s'en prennent aux autorités administratives qui ne pénalisent pas les grossistes qui montent des prix sur les caisses de ces produits. Ces propriétaires de dépôt précisent qu'ils sont invités en commune Rogomba à des prix élevés, ce que nie le délégué de la Braroudi en province Chibitoke, qui affirme bel et bien que cette société n'a pas majoré les prix de ces produits. L'administrateur de la commune Mabaye, Pascal Bassarouzouye, indique que la caisse de la commune a déjà eu plus de 400 000 flambeaux d'amende perçus chez ces détaillants, en affirmant qu'il ne va pas tolérer tout détaillant qui va spéculer sur les prix. L'administrateur de la commune Mabaye demande aux détaillants de dénoncer les grossistes qui font des spéculations en précisant qu'il va bientôt tenir une réunion aux vendeurs de ses produits Braroudi de sa commune pour étudier cette question. Depuis Chibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis. Ndaïra Guidje. Et le Burundi a fait des progrès dans la réduction du taux d'analphabétisation dans ces dernières années. Cela est dit par le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale et de la formation technique et professionnelle au moment où le 8 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de l'alphabétisation. Djuma Edouard précise que les activités d'alphabétisation se déroulent dans 825 centres, dont 183 sont des centres privés. Je vous propose de l'écouter. En date du 8 septembre, le Burundi s'est joint à d'autres pays du monde pour célébrer la journée internationale dédiée à l'alphabétisation. En effet, l'agenda post-2015 ou l'agenda 2030 de l'alphabétisation et l'éducation des jeunes et des adultes, auquel notre pays a souscrit, nous oblige de poursuivre et d'intensifier nos efforts pour que l'éducation de la petite enfance, celle des femmes et des filles, celle des populations marginalisées, restent des priorités pour la communauté nationale. Le thème de cette année est, je cite, « l'alphabétisation et le multilinguisme ». L'agenda 2030 ou les objectifs de développement durable prônent la formation des citoyens du monde, c'est-à-dire des citoyens ouverts à d'autres langues, ouverts à d'autres cultures. Le traitement égal des langues et des cultures devient ainsi un facteur clé de la cohésion nationale et de paix sociale au niveau national, et cela impose la promotion des approches multilingues d'alphabétisation. Quant au Burundi, notre pays, nous devons nous réjouir du fait que la population partage une même langue maternelle. Cela constitue un socle solide sur lequel nous pouvons bâtir une société prospère, digne et humaine. C'est aussi un atout de base important pour l'apprentissage des autres langues. Dans notre pays, les activités d'alphabétisation se déroulent partout à travers le pays, dans 825 centres, dont 642 publics et 183 privés. Certes, le Burundi a réalisé des progrès significatifs ces dernières années dans l'objectif de réduction du taux d'analphabétisme. Le vœu du gouvernement est que tous les citoyens puissent avoir accès suffisant à l'information et au savoir pour s'investir dans la création du capital à la base. C'était Djuma Edouard, le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale et de la formation technique et professionnelle. Et nous devons cet élément sonore à nos confrères de la radio nationale. Je vous le disais en titre, une commission dont trois Burundais parmi les membres est chargée d'élaborer une constitution qui va régir la Fédération des États de l'Afrique de l'Est est à l'œuvre. Déclaration de la ministre burundaise chargée de l'intégration du Burundi à la communauté de l'Afrique de l'Est lors des questions orales ce jeudi à la Chambre basse du Parlement. La ministre Isabelle Ndahayo l'a annoncé après que les députés aient voulu savoir la position du gouvernement sur le projet de confédération politique de cette communauté. Les précisions avec Eline Bell Nibigira. Les députés veulent connaître l'avis du gouvernement burundais en ce qui est du projet de confédération politique des pays de la communauté est-africaine. C'est le député Jean Bosco Muhungu qui a adressé les questions préliminaires à ce ministre qui rappelle que ce projet devrait avoir été conclu en 2015. Le sommet des chefs d'État a désigné une équipe d'experts pour recueillir différents avis de différentes personnes, de différentes catégories, ce que les anglophones appellent « public hearing » pour qu'une constitution fédérale ou confédérale des États de la communauté est-africaine soit élaborée. Quelle est la position du gouvernement burundais sur cette question ? La ministre Isabelle Ndahayo répond que le Burundi soutient ce plan. La preuve en est que, souligne-t-elle, il a envoyé ses experts pour l'élaboration d'une constitution confédérale de l'EAC. Toutefois, selon le gouvernement burundais, le projet de confédération politique exige la prudence. Pour que cette confédération ne reste pas seulement dans les tests, il a été désigné une commission d'experts qui va élaborer la constitution confédérale. Et ces experts sont à l'œuvre. Le gouvernement burundais soutient donc ce projet de fédération politique. La preuve en est que nous avons aussi désigné trois experts pour ces travaux avec les autres. Sur ce, le gouvernement burundais trouve que la confédération politique est un projet qui nécessite être prudent. La communauté est-africaine comprend jusqu'aujourd'hui 6 pays et s'étend sur 1 800 000 km². Isanganiro, la radio de l'avenir. La rentrée, l'année scolaire va bientôt ouvrir ses portes avec des besoins en personnel enseignant évalués à plus de 200 dans la province de Ruyigi. Le directeur provincial de l'éducation, de l'enseignement technique et la et formation professionnelle dit espérer que le ministère ayant en charge l'éducation va bientôt leur accorder de nouveaux enseignants. En cas d'insuffisance persistante, il dit qu'ils feront recours aux enseignants bénévoles, n'est-ce pas, Claude Chimirimana? La province scolaire de Ruyigi a besoin de plus de 200 enseignants du fondamental et post-fondamental tous confondus pour l'année scolaire 2019-2020. Sylvestre Nyonzima, directeur provincial de l'éducation, de la formation technique et professionnelle, le précisait bien. L'effectif d'enseignants n'est pas suffisant. J'essaie de me référer aux différents rapports produits par les directeurs communaux de l'enseignement. Nous enregistrons un manque de 250 enseignants au niveau du fondamental et au niveau du post-fondamental. Cette autorité provinciale de l'éducation fait savoir que ces besoins ne résultent pas de l'augmentation des écoles. Il s'agit plutôt des manques qui existaient déjà l'année scolaire écoulée, auxquels s'ajoutent d'autres besoins liés à l'évolution des classes à certaines écoles, indique-t-il. Sylvestre Nyonzima fait savoir qu'il s'attend à un recrutement et précise que les nouveaux enseignants seront affectés aux écoles qui en ont réellement besoin. Avec le prochain recrutement, le ministère nous a promis quelques enseignants à recruter. Nous affecterons ces enseignants-là dans les écoles les plus nécessiteuses. Pour les écoles qui, après recrutement, accuseront une insuffisance d'enseignants, le directeur provincial de l'éducation, l'enseignement technique et professionnel fait savoir qu'elles feront recours à des enseignants bénévoles, comme cela a été le cas l'année scolaire écoulée. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Et en province Bubanza, à la veille de cette rentrée scolaire, les parents s'inquiètent du manque d'enseignants comme c'était dans le cas des années, dans les années passées. Ils demandent que ce problème soit résolu. Certains directeurs d'école reconnaissent que les enseignants disponibles sont insuffisants, mais le directeur provincial de l'enseignement tranquillise et précise que le ministère a promis que de nouveaux enseignants vont être recrutés. Spescartas Kabanyana, correspondance. À la veille de la rentrée scolaire 2019-2020, certains directeurs d'école, tant fondamentales que post-fondamentales, indiquent que les enseignants disponibles sont jusqu'à présent insuffisants. Au niveau de la direction communale de l'enseignement de Lugazi, par exemple, plus de 100 enseignants manquent encore pour que toutes les salles de classe et tous les cours soient dotés d'enseignants, selon le directeur communal de l'enseignement. Dans la direction communale de Gianga, 200 enseignants manquent encore dans les écoles fondamentales et post fondamentale. Les parents, de même que les élèves, demandent que ce problème lié au manque d'enseignants qui vient de passer des années soit résolu. À la direction provinciale de l'enseignement, on tranquillise et on précise que de nouveaux enseignants seront recrutés. À la direction provinciale de l'enseignement, on tranquillise et on précise que de nouveaux enseignants seront bientôt recrutés. Philibert Haonimana, directeur provincial de l'enseignement à Bubanza, précise qu'environ 2000 nouveaux enseignants seront recrutés au niveau national, mais qu'en attendant, ceux qui sont disponibles vont travailler. Spescaritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spescartas Kabanyana. Et les subsides de l'État pour les écoles à régime d'internat dans la province de Rumonge ne leur sont pas encore parvenus jusqu'à présent. Les directeurs et les économes à certaines écoles contactés ce dimanche matin disent qu'ils ont dû contracter les dettes auprès des fournisseurs de vivres juste pour le début de la rentrée scolaire. Et l'équipe nationale burundaise senior joue ce dimanche avec Taifa Stars au stade de Ouandja wa Taifa à 16h heure de Dar es Salaam, c'est-à-dire à 15h heure de Bujumbura, son match retour préliminaire avec la Tanzanie. Lors du match aller, s'est livré ce mercredi de cette semaine au stade Inouari de Bujumbura. Les Hirondelles ont égalisé un but partout avec l'équipe nationale tanzanienne. Pour avoir l'accès au match des poules de la Coupe du Monde 2022 qui se tiendra au Qatar, le Burundi doit gagner son match contre la Tanzanie. Et voilà, chers auditeurs, à 13h11, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Elika Dogo pour sa collaboration technique. Au revoir.